أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قد العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال الإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح الحافظ بن حجر رحمه الله عليه ñu ngi indi kon suñu hadith bi nga xamne mom mo nekkon suñu hadith bu ñëk ci buntu bi nga xamantene dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam muna su'ila laaj nañ muna Anas del nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala yalla gërum ko radiyallahu gërum Allah bur yalla nak mom annahu ne kan mom qala dafa wax ne su'ila laaj nañ rasulullahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam an al khamri ci mbirum sangara bo xamne tout taxani def nako sop djep ko def ko fam rat manam khallan ak benega ala yananti bi sallallahu alayhi wasallam tontu ci laaj bobu ne la dedet bu len ko def manam dedet manam moy bu len ko def akhrajahu hadith bi solo nako muslim imam muslim ibn al hajjaj rahimahullah ci sahiham wa tirmidhi ak imam al-hafiz at-tirmidhi rahimahullah tam solo nako wa qala mudani wax ne mam ci sunanam mune hasan hadithun hadith la bo xamne hasanun sahih ak manama hasan sahih manana yi nga xamne mom lañ ci develop won ci jotay yi us wallahi alhamdu wal minna kon inshallah suñu jotay bi gisoon nañu manam ci sun jotay yi wéssu gisoon nañ li nga xamantene mom mo aji won ci baatu hadisi ak maana bi ak takhrij bi ginnaw buñu gisé takhrij bi ak shaqbat gis nañu commencé won nañ gis ci li nga xamantene mom mo aji won ci masal li nga xamantene masala manam bi aju ci adabul ilm manam adabul alim wal al muallim wal mutaallim manam tegg mi nga xamantene ñom ñoo aju ci ki jangalé ak ki nga xamantene mom moy ci jang ki sa xam xam ñu nek ay tegg yo xamantene kepp ko xamantene da nga bëgg xam xam wala bok nga ci yëngatu wala bok nga ngay tok ci jotay yu xam xam war ngay samonté ak yoy xétu tegg ni légui kon ñu wara jall ci benen xétu masala yi nga xamantene mom moy ñaarël xétu masala yi té mom moy koor masaili te mom moy masala masail fiqhiya masail fiqhiya parce que comme gis nañu masala yi aju ci walu teggil koru masala yi mom moy masala fiqhiya ñom mom moy koor bi manam mom moy deug li nga xamantene mo gëna tax ñuy jang xarit yi wala legui inshallah kon de nañu gis ci masala yoy ay xéti masala masala yi nga xamantene ñom ñoy ci ñëk buñ ko xolé ni visiblement buñ xolé hadith yi bi ñu déwé rek masala yi nga xamantene mom mo gëna intéressant moy yi nga xamantene ñom ñoy ëpp sol yi gëna remarquable moy yi wër wër lo ci ci sangara moy yi wër wër lo ci sangara amal na nak amna ci yo xamantene xeyna mën nañ ci baña dugg après mais bima ñu dugg ci l'essentiel yi nga xamantene surtout mom moy li ñu gëna concerner parce que daf ci am walu go xamantene amal na dimañ ko gis bu ñu exé ci bu ñu borom subhanahu wa ta'ala maye guddu fan ak fekke hein bañuy jang li nga xamna mom mo add ci moy buntuk nanu yek ak lek yek nani inshallah amma legui fi nak mom lañu dañuy wax rek ci li nga xamantene mom mo add ci walu ci li ñi gëna concentré wu mom moy sobeem ak haramam ak yu demé non benen bi ci dess mom moy yeneen xéetu masala yi nga xamantene ñom lañuy soxla mom moy li wër wër lo ci walu bi nekkal ak yu war ci walu bi nekkal amna yenen ñettelu xéetu masala yo xamantene tamit yu am solo lañ ci biir wi mom moy lepp lo xamne day wër wër lo ci istihala manam moy soppi mbir jele ko ci ben état yobbu ko ci benen état voilà yoy nonu ñu gis di boba inshallah dinañ ci gis ay exemple yo xamantene dañu gis na nangam bu joggé ci état sangam dem ci benen état sangam até bobu lan lay doon dénga até bobu lan lay doon insha allah taala ñakul ne nak amna yo xamantene jotul nañ ko gis ci jotay yu manam yi ci bulughul marab jotul nañ ko gis ci téré bi yenn yi ci wax ci hadith bi nga xamne mom moy hadithu abu sa'id radhiyallahu ta'ala anhu ben hadith abu sa'id wax do la gis def radhiyallahu ben kess bi balla tahuru lahi najisuhu shay'un ay illa okay illa ma ghalaba ala rihi tamam wala ba illa an taghayyara wala lawmuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi najasati tahdufu fihi donc hadith bobu gis nañ ko bo buñ ko gisee gisoon nañu yenn xéetu mbir yi buy soppeku comme niñ gisee won né lox day soppeku et que parfois bu nok mi nekké soppé nañ koy soppé mom nek lu lapp par exemple etcetera mais bon légui tay dañuy gëna ci jotay yi ni inshallah li gëna développer point bobu manam dara bu fekkante né dafa am leneen luko soppi inshallah taala li kon fi nga xamantene mom lañuy tambalé comme ni nga xamantene non lañ ko waxe mom moy dañuy jëkke ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu sangara sangara moy alhamdu gisoon nañ définition bi moy lepp lo xamantene da fay mur xel lool sangara lañ koy tuddé ndax muray yi le fait que mu nekk mur comme nit ki jigen buy mur muray bok ximar lañ koy wax wal yadrib na bi khumurihim la ngal fana wa khumurihim la sen muray kon manam lolu mom moy lolu xetu kon sangara la fi ke muy mur xel motax ñukoy wax sangara te gisoon nañ tamit ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon ne lepp lo xamantene ma kullu muskirun khamrun wa kullu khamrin wala haram manam hadith abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu anhu nek sax imam muslim talali mune yent bi sallallahu alaihi wasallam ki lepp lo xamantene da fay manam mandil manam lepp lo xamantene da fay mandil manam lolu sangara te lepp luy sangara da haram amna benen hadith wo xamantene yent bi sallallahu alaihi wasallam da fa wax ne moy hadith nek sunan imam abu daud rahimahullah kulama askara qalilu kulama askara kathiruhu fa qalilu haram lepp lo xamantene tamit manam day mandal lu tutim day mandalate kon lu barelam tamit dafa haram lool kon gisone nagn ko de telle sorte que lool nak amna masala bo xamantene mu waxon nagn ni fi lañ ko waron gisé mais sauf que comme important bi mu important surtout pour ñu xam baat bi ñi wax lan la réellement lan moy sangara ak lan modul sangara gisoon nañu wuté nga xamantene mom la jumbur ulama rahmatullah alayhim té ñom ñoy maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim wouté gi nga xamantene mom lañ amone ak fuqaha o hanafiyyi rahmatullah ci mas'ala lan moy sangara ak manam lan lañuy considérer comme sangara ak lan lañ ko dul considérer ba nga xamantene gisoon nañ ni kon ni li jumhur wa rahmatullah alayhim mom moy li gënon deugër inshallah ta'ala té mom moy sangara kon ben formule chimique la bo xamantene buñu xam la C2H5OH manam lolou mom moy ki ethanol mom lolou mom moy li nga xamantene mom moy sa mom moy mandilaté ci nit ki bon amna nak légui nga xamantene mom yeneen xéetu alcool yu am existé mais bi mom moy bi nga xamantene mom moy mandilaté et que yoy lañuy formule chimique bi ben la du soppeku et que ça soit ko té lolou mom moy tax mandilaté gam dé yenenbi sallalahu alayhi wasallam buñu xolé li nga xamantene mom la tuddu ci biir bi mom moy moy li mandalaté fino sudul wouté giñ wouté ci définition bi borom xam xam yépp rahmatullah alayhim deppou nañ ci né sangara mom ala kulli halin dafa haram sangara dafa haram comme nga xamantene mom lañu wax né mom la alquran wax né a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal ansabu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu rijsun min amal shaitani fattanibuhu la'allakum تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر لا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أي أن يخمتنا قاية قم جين تدبب لير بور مو موي سانغا إنما الخمر والميسر ما نم موي موي فو مو خمتنا فو موي يوم بال اندي قالس لا موي نيوم بيمي monas waji ci dess ko million xet yoy dal manam ak lepp lo xamantene moy jeu de hasard dal moy yi nga xamantene may firna voilà lolu wal ak ansab ansab yi mom moy ñi nga xamantene mom lañu sampal manam fini rendé sen nak yek sen manam yoy nga xamantene manam ngir jaamu ngi fini jaamu sen xër mi ak yu mel al aslam wal aslam aslam moy nga xamantene dañ koy sanni mu nek ay comme lepp lo xamantene dañ koy moy xéetu azar yoy non manam yoy yep rit sun ay sobe lañ manam ay sobe lañ fajj tali bu na ngeen ko moyte ndiko parce que ba bu fajj tali bu manam da ngeen ko moyte ndiko la la ko tum nekhon bu ko defé ngeen texé ndax innama yuridu shaytan la am be def moy shaytan li mo nam moy an yuqa'a ci muratal len muratal baynakum sen digeenti al adawata nono wal baghda ak bañante way yasuddukum bu ko defé mu du moy len an zikrillah ci li nga xam fe mom moy tuddu yalla wa al fatlifu yalla wa an salat ak julli bu ko defé do len ko tal parce que da ngay di nek ci préoccupation yu mel nonou manam moment bi nga xam tane yeene ngi nek ci carte bi ak yoy parfois affaire dañuy di xumbu xumbay mo xamne wala ngeen di nan nan gogo ak yu mel nonou yoy day waral ba sa xel du nek ci julli par exemple wa an salat fa hal antum muntahun khala da ngeen di bare nak nek da ngeen di baye ay bob bi mu wacce sahaba ay radhiyallahu anhum dañ ni intahayna ya rab e yow suñu borom ñun baye na wala radiyallahu anhum manam nga gis ni nga xamantene non lañu xereewul ci appliquer li nga xamne mom la diine yalla ñu wax subhanahu wa ta'ala kon loolu mom moy sangara mom da xaram benen ay bi nga xamantene mom amna yeneen ay yo xamantene dañuy tektale xaram sangara comme bokku na ci ay bi nan innamal khamru wal maisir innama hurrima alaykumul maytata wad dam wal lahmal khinzir adada dëdë du bobu du non ala ko li xal ay bobu non wala kon ay bi mom moy ay bi nga xamantene hakikatal manam mom mo jéxal ci procédure harama sangara ndax harama sangara dafa am procédure voilà dafa am procédure comme bi nga xamantene bi alquran tatakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan ci manam refain yek yoy bi nga xamantene mom la ci alquran do wax nan man sootu nakhle ne yalla ne yoy refain yi ak yoy manam li nga xamantene mom ngeen koy nalé bo len ko nalé ba pare da ngeen ci japp manam da ngeen ci meuna amé lo xamantene da ngeen ci mandé sakara ورزقن حسنا اك لو خامتاني خيول مانام لو خامتاني موم لول بار كونت لو رافل لا لو نيه لا لو باخ لا مانام بو خوله ميم اي بوب نيمو وخه بيم نان داين تي جابي داين تي ووت مانام لو خامتاني دالين دي ماندي ابري مو دادي ميتر ان اوبوزيسيون ماندي غوغو اك ليغا خامتاني موم ورسك لا بو خامتاني بو رافل لا بو باخ لا مانام لول ريك ديجا سي كوم سي داي واخ ني manam mom déjà ay bobu remarque la manam day wax da doon woné manam baaxuk yalla ak xéewal gi nga xamantene mom la defal jaar ni ci may len lo xamantene yoy dara ci am manam lool déjà remarque la ñaarël bi ci dess mom moy le fait que mu mettre en opposition li ñi mandé li nga xamné dang koy mandé après ak li nga xamantene mom xéewal la wërseug la go xamantene bu rafet la lool da doon jinjju déjà que ni li mom da haram ba manam wala bokku haramul tam baaxul manam te day ya ba benn jamono ñu laaj yentibi sallallahu alayhi wasallam motax mu ne yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima manam ñu laaj yentibi sallallahu alayhi wasallam ci li nga xamne mom mo aju ci walu sangara anul khamr wal maisir walu sangara ak li nga xamantene mom moy xetu fo yoy nga xamantene fo yomb la alquran ne biñ ko ko laaje yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne waxal alquran ne waxal yenenbi yow yenenbi sallalahu alayhi wasallam fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakkar bu reey hein bakkar bu reey reey mi ngi ci biir ismun kabir wa manafi'a lin nas ak ay jariñ pour nit ñi manam kon sangara ci manam ak jeu de hasard amna bakkar bu reuy mais amna tamit li ñu tuddé jariñ bo jariñ gi nak mo bo xolé li mu tuddé jariñ da ngay gis né en réalité day woné mais jariñ gi tax ko reuy xam nga borom bi bindul lo xamné lool tam benen dundul manam benen dundul moy day wax né fof non ay bobu daf ñuy jangal ke ni sangara manam ak loolu sangara lepp lo xamantene borom subhanahu wa ta'ala dafa haramal c'est pas parce que lor kessé la dedet c'est pas parce que lor kessé la mais lor gi mo upp jariñ bi lool mo borom bi bindul lo xamne lor kessé la lool borom bi bindu ko lo xamantene day yak rek kessé la bi nekké awul dara lu muy defal awul ben non lool borom bi bindul lool lepp lu bind rek amna ndariñ bu ci ne mais nak bo gisé muy haramal la lamuy haramal dafa fekk ne lolu mu haramal dafa gëna manam ke ni lor gi ci nek mo gëna bari ndariñ bi motax borom subhanahu wa ta'ala ismuhuma akbaru min naf'ihima manam sen bakkar sen lor musiba bu reuy bi ci nek mo gëna reuy fuf dafa mag lor ba domino top li nga xamantene mom moy ndariñ gi nga xamantene mom mo ci ne kon lool déjà muy donc benen procédure bu wa nak ci jamono joj nañu gis ñu bare bare da no bayyi sangara parce que xam nañ ni lo xamantene ay lor la ak yi musiba lool mo mo ci nek kon hein jarna ba légui nak laaj bi mom moy waaw lool mom ban ndariñ la wara am manam sangara ban ndariñ la wara am mom ak jeu de hasard bi ban ndariñ lañ wara am bo wa dañ la ndariñ bi effectivement comme niko alcorane waxe existant na manam amna mais non seulement dafa éphémère mais dafa touti c'est-à-dire que fim tolo amna ño xamanteni tay buñu pour ñu dem au lieu ñuy dem ray jëni tak yoy bu mu ñu nane sangara la di ma di dëntel dina lo après bu ko défé duñu ray nit c'est-à-dire que donc ndariñ gogou éphémère na manam existant na mais dafa éphémère ba paré dafa touti and nak né lambona bakkar comme tay par exemple ki nga xamantene par exemple jeu de hasard buñ ko xam nga fim tollu ñun ñepp buñ tégué ay ku nekk joxe 10 euros ba mu nekk ay million après man kessé ma dal koy jël bu man affaire jarign na ma voilà mais ñeneen ñi ci loro no gëna bari hein la voilà non lol dina ci ñew lol ma ci ñew waaw mais lol dina ci ñew mais fim tool li question bi ndek bi mom moy tahrim manam ñoo ndeñ bi nonono mais c'est que lolu dina ñew ci ne lolu du ndariñu bu alcorane nak bu yent bi nangoo sallallahu alayhi wasallam lolu dina ci ñew mais inshallah sauf que tamit comme niñ ko gisé comme wouté dafa am ci borom xam yi tamit rahmatullah alayhi mais que ni rek li nga xamne moy di note moy en réalité que ni dañ koy bañ wala que ni diiné da koy bañ mais ma ngi ci ñew inshallah kon ndariñ gi nga xamantene mom moy tay nit ki comme man buma jëlé million yoy yobbu man kessé dina ma am lu mo fajal mais problème bi moy société bi buñ ko xolé globalement yak la parce que day tax d'ailleurs subhana rabbi li sama borom dafa wone day ki man bu nekk mom ci manam bu nekk ci ay acte yi mu teural ndax ñi nga xamantene dañuy faral di nan sangara souvent dañuy dem ba accroche dort ñu ko mëna bayété mu indil leen lor yu bare bare yenn fièvre yu bare mu leen di ko indil ñu gaaw am crise cardiaque di dawal di bëkk nit ñi di ray seen bop ak ray nit ñi d'ailleurs lool la parce que par exemple tay amna rew yo xamantene l'alcool au volant ak yu mel non lool mom bu indi manam amuñu politique sax préventif pour lool amul parce que lutax parce que tout simplement sangara du fa nan kenn du ko fa nan donc amul ay nek fi di sonu di defar ay institut yu dul diex ak di dépenser alal bu dul diex pour di prévenir l'alcool au volant lool amu fa lutax parce que kenn du ko fa nan wala nga ni nan ne fa té nekku fa donc du meuna wax nam donc l'alcool ligi alors que tay bo xolé rew yi nga xam tane dañu dagana la sangara yeb ñuy nan sangara ci seen bir dekk yi manam légalement ni lolou dañuy gis parfois alcool manam nan manam l'alcool limi indi ci xéfi ray manam limi indi ci cause de mortalité mo xam ki nan ci bopam lay gaaj wala bok ki nan mom mo eumbu dom jojja de wala bok ki nan mom mo mo nan ba pare dem dawal dal di ray kenn ray bopam han ray ñeneen et cetera ak yu mel non lolu limi cause bobu dafa reuy cause de mortalité bobu dafa reuy dor donc lolu non da ngay gis na kon vraiment ay lor kessé la le fait que nit ki nan ko ngir rek meuna am tranquillité ben moment bu ndaw ak yoy nonou lolou njariñ gogou dafa touti ak tamit ki nga xamantene daf koy def manam di ci jaay sangara pour am ci alalam wala to industrie yoy non ñu mën ci gagner sen alal lolu après bo gisé lolu jarim la ci ñom mais lor gi mi indi société bi dafa reuy reuy bo xamantene mënu ñu ko comparer ak jarim gi nek fi donc yoy yep ay xet la mais en tout cas alcorane mo neena té lolu ñep mën nañ ko nangu que ni jarim gogou dafa gëna touti manam dafa gëna touti lan lor gi fouf maintenant buñu xolé la même chose la wax ci may sir manam jeu de hasard c'est la même chose lolou mom motax ngay gis ñu bari ni di def bu ku tamari bi jeu de hasard ni manam dem ci casino yi hein di jouer ay loterie kokku bu ko tamé day muju da ci am addiction au jeu comme ni ñi amé addiction à l'alcool voilà ni nit ki di nané sangara wala muy tox ba doot ko mënu bawati nonu la nit ki di défé bu dem di jouer non lay défé du ko mëna ba li nga gis nak ay subhana rabbi ay problème yu bare daaka yu tollok problème alcool bi que ça soit ci niveau nit ki même ci niveau centime subhana rabbi même ci niveau centime day dem ba am problème xel manam problème bop parce que day addiction bi la mom moy nek problème ci mom moko muju surtout bu day perte xaliss manam di jouer di perte xaliss psychologiquement déjà ça ne va pas parce que manam sama xaliss bu bari bima yoron lepp fim tollu mang koy ñak mangi andatew gravement ci anam go xamantene fim tollu xawma nan la koy faje sama endettement bi mi problème bor yu bari et que affaire bi mënu mako bayyi te mom man xamna ni li mu yobbi ni lepp lool rek déjà psychologiquement rek déjà dafa pesant dafa lourd dafa 10 et que lool mom day indi fièvre yo xamantene manam fièvre psychologique tout simplement fièvre xol yi ay crise cardiaque yu kenn xamul xagné ci deng légui lool déjà kon benen problème la bo xamantene dafa am ci maysir boko boré ak le fait que muy ruiné totalement une économie bé manam ay nit ño xamantene sen alal di mënon nañ ci def lu bari lu leen jariñ mais mu ruiné sen économie lolu yépp day tekkel li borom bi subhanahu wa ta'ala wax né wa lam ismuhuma akbaru min rafihima sen lor yi nga xamné ñom ño ci nek vraiment mu gënal ri fouf ke li nga xamantene mom moy jariñ bi ci mëna juddou bu dé la ci juddou ñom sen jëwolo jëno yéne ci sama sen Wow, xam nga leg nge comme loi longchamp bo ni jenda ay fas bobu nari dañi am ay mais de fi donc manam amul nay façon yu bari yi ay manam maysir la yi ay xétu jeu de hasard la yo xamantene de toute façon principe bi moy par contre amna lo xamantene du jeu de hasard amna lo xamantene du jeu de hasard moy lo xamantene capacité nit ki daf ci engagé wu capacité nit ki daf ci engagé wu soit sa capacité intellectuelle wala sa capacité physique moy lan moy tay bu fekente ne manam tay buma yoré jënd sama fas man may dawal sama fas donc couple fas ak maître bi la koku ñuy dawal buma rawé loolu ma cey gagné loolu du jeu de hasard bi moy man mi nga xamantene jeu ma defuma dara ma nek feulé ci biti bi jouer nan parié na ci rew tay mouro yi gane ak ibra dana raw man lool lay wax tay par exemple course yi ni daw raw rawante course yi ni mi waxuma rawante fas ben affaire la wax nañ ko bari mais course yi ni daw ni hein wala beure wala lan natation wala yu mel non ñi koy def ñom ci seen demi bop ci buntu bobu la wax ci buntu bobu attention du lolou mo graw du fofu la grawé meuna graw nak par contre ngir circonstances parfois mais du ci lolou la graw légui nak man mi ci parié par contre limay def dafa haram voilà lolou tamit c'est important ce qui veut dire que ki jënd gilé mom wala fasam ñukoy dawal koku xal limu def haram li haram nak moy man mi wara parié ci ginnam wa wa wa mais ki mo fasu mom xam nga mom day fay ki koy dawal maître bi wala da koy fay pour muy def lo wala je de l'esprit parce que capacité intellectuelle nit il engagé wona kon man sama même jeu ñu né dañu poser ben question ku né su waté tay to joxé ben somme yéne c'est pas qu'elle a bonne réponse wa légui ñu joxé réponse bari ni wa mais nak le vainqueur est tiré au sort wa bobu dafa haram li tax mu haram lén la mitam haram moy le vainqueur est tiré au sort c'est à dire que c'est pas parce que man dama trouver que damay am damay gagner et que ça voilà c'est à dire que kok wañu dafa arnaquer dafa ñu arnaquer sale que dama ñew neneen gaay yeen ñepp ñew leen ku trouver déjà le simple fait que ngay fay pour après ñu def ki rank au sort bo xamné yow do ci genn and ak les am nga assurance que sa réponse bax na lool mo xaram lool mo xaram mais par exemple li xaramul moy par exemple ñu né ñun ñepp nañu ki kan ñu xol après au final kan moy gagner ci compétition bobu nonu ñu tek après buñu paré man ma gagner ni da di jël alal bi dem sama yoon lolo haramul du lolo donc voilà ça veut dire que li haram mo bo xolé yépp bo xolé li tax mbir yi haram rek moy injustice bi ci lan au moment dafa am injustice rek da fay dal haram rek dañu nek moy akulul amwal nas bil batil moy nek alalu nit ñi ci tiaxan lan ci lan ah demi foot non mais c'est que waaw bo mo lim gëna ñu sax moy capacité bo mom ak fas yeek yoy ñu gëna jégué wanto waaw lool après inshallah dina ci ton inshallah après buñ jot buñ paré wa buñ paré dina ci ton Cheikh Abdou la ñu cene defal ko ci yow ah lool bokk na ci ñu waxon jotaay bi wess xamna nak ko fekki wu ay deug kon ñu delu ci wat ci ñu delu ci wat ci ba ci masale sangare kon sangara si borom subhanahu wa ta'ala kon dañ gis ne procedure bob bi mu yexé manam bob suratul baqara la wacce suratul baqara bo xolay mu ngi wacce ci ñaarelu at ginnaw hada yent bi sallallahu alayhi wasallam donc dañ gis ne manam bu ndeuk bi suratul nahl la wacce sala bi donc makka biñ ñewé medina ci le bi wacce bon donc fele motax borom subhanahu wa ta'ala waxuko won comme en tant que sentence Voilà. Fi nak légui daf koy wax en tant que sentence. Légui muy wax en tant que sentence mune légui ñu laaj benen question bi moy benen mbir bi moy dafa am ben wat bon ci moment bobu ñu bari bayi nañ sangara han mais dañu dem ba ben moment moy bi sortu nisa di wacc ci sortu nisa ben way dafa jekki ñew ne dafa ñew di jité gaay nan sangara ñew di jité gaay dal tariqul ya ayyuhal kafiruna dal ci dal qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna wa antum ta'buduna ma a'budu wa ana a'budu ma abattum voilà waxal yeen ñi nga xamne yeen yefir yi man limay jaamu ngeen di jaamu yeen tamit limay jaamu rek ngeen nek di jaamu wa man ak yeen ñun ñoo bok limay jaamu wala manam bi mbir momu xewé alko an wacc dan ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara e yeen ni nga xamantene gëm gënte deug bu len jégué ci julli manam place julli manam moy heure julli bu joté na fekk ne mandi wo len kuy julleti bu ngo fekk mu mandi mo julli té bo xolé légui de ce fait avait nak commencé am restriction parce que légui gaay danaka goudi gi rek lañuy mëna mandé ak xeyna souwetel gi parce que digënté subhanahu wa ta'ala da ngat digënté taksan ak timis nonu digënté timis ak gënon manam ce qui fait que bu goudi gi joté ci lañuy mëna mandé buñu nané ba paré après après su suba gi joté tamit buñ julé ba paré dinañ mëna mandi wala yoy mais après c'est fini c'est à dire que après toute la journée dotu ñu mëna mandé té mais voilà donc lool bi alcorane waccé wax ci ay bobu sort nek sort ni ça lool mom moy benen étape bi lool moy troisième étape bi ci haramal bi borom subhanahu wa ta'ala haramal sangara mo am benen étape bu borom subhanahu wa ta'ala indi ci haramal tamit sangara mom moy étape bu bi nga xamantene nak gaay legui dañu xex du nan sangara xex doorante gañante et cetera manam muy xex bu metté metté metté legui nak gaay nak ñew na yent bi nak bu déjà chaque étape da dañ am sallallahu alayhi wasallam chaque étape da dañ am ñu bay ñu wax gis ni affaire bi dal finalement affaire bi dal mënul dox quoi legui nak ñu ñew na yent bi sallallahu alayhi wasallam legui nak vraiment tégal ñu ci acte bo xamné vraiment day leer ci walu sangara dal vraiment na acte bi leer quoi parce que li mom manam nga gis ni sax da naka ñom biñ koy wax da ngay gis ne dañu bëggoon pour ñu téra ko totalement parce que limu indi dafa graw borom subhanahu wa ta'ala haramal kon sangara ci buntu bobu mi ci la waté ay bi nga xamne mom lañu jëk ko wax yaay rek mom xam nga wala may so wala taw ci ñu amali shaytan fakkali bu ko manam kon ci jëf ci sobe la ci jëf ci shaytan la bokku da ngay ko may jëk manam voilà kon d'ailleurs buñuy faral di joxe exemple woni sharia di doxale ak nit ñi exemple bobu lañu faral di joxe manam borom xoxo mi rahmatullahi exemple bobu lañu faral di joxe di wax ne manam sharia manam buy téré dara daf koy téré manam graduellement manam du ñew rek manam fekk nit ñi mi nekk nour ci benn affaire ba nga xamantene mënatuñu def lu mënuñu xamuñu lu dul loolu nga ñew ni len tay tay ngeen di baye lepp lolu souvent sharia ñu doxale non mais lolu mais nak attention lolu te kiwul ne tay su fekete ne par exemple dañu fekk ko xamantene manam dafa nekkon par exemple mom ci sangara mom jaay kat sangara wala yu mel non mu tuub duggu ci l'islam kenn du nako sa meun ngay continuer di jaay sangara ba heure bu la nexé wala dañ nan ko legui transformer sa hein voilà sa commerce bi dang koy transformer voilà et que ak yu mel non manam donc affaire tamit dafa am ay dafa am ay mbir yo xamantene jamono ji sharia di wat mbir mi ni la dan doxé mais après mbir mi mënuñu ko continuer jappé ko nonu à la lettre il faut que mu am même malgré que graduation lañuy doxalé comme tay par exemple nit ko xamantene dafa am yu bari yu muy def yo xamné baxul té mënu leen bayé lo yépp dañ koy bayé lo dañ ko wa légui grawul mais au moins nga bayé nangam au fur et à mesure muy bayé après ci lay dem ba bayé lepp malgré que bayé lepp daf ko war mom il faut mu xamné bayé lepp légui da ko war mais comme que faiblesse am moko yobé ci bawul lepp légui mais au moins mom na conscient que ni dank warna bayé lepp mais nak dafa am yo xamantene mom lool mom kenn manuko ko djigal lu demé neké par exemple ay nar sangara ni masalan kenn du neko xaaral ba ci kanam denal dieg ngay bay nar sangara par exemple bu don day ray kat nit la kenn du neko bayil ba ci kanam ngay doga comme yow hein voilà ak yeneen ak bakkar yi nga xamantene ñom ñoy wër wër lo ci degré bokku ci niveau yoyu non kenn dou neko baye du voilà dafa metté ak yoyu mom du lay parce que mbir mi non la démé et que su fekkante na touwam sincère na borom subhanahu wa ta'ala dinako dox doore mu meuna baye mbir mi su touwam sincère lool nak par contre mom lañu bëri dul def da ngay bëgg tek sa tank fi tek ko fenen lool nak duma démé munuma jël sama benn tank tek ko fi ba paré benen tank bima tek ko fele ci bitti lool duma démé parce que lolou sumako bëggé def sama yaram mo atunul moko mel manam yalla ni mo bindé mo manul lolou non la tamé mbiru diiné mel manam mëno tek sa tank fi ci diiné ji ba bari bëgg diko tek ci tiaxal en même temps yaramu nit yalla bindé wuko non voilà légui kon mbolé borom xam xam yi rahmatullah alayhi deppo nañ ci né sangara dafa haram et que képp ko xamantene dafa wax ne sangara dafa dagan koku yefir la kep ko xamanteni ci dañ koy tuub lo su fekente ne nanguna tuub ñu won dañ koy won preuve yi wala ne li ku ko def yefir ngay don manam duñ ko cause baram dafa am lutax parce que sangara dafa bok ci li nga xamantene lolou benen masala la manam sangara dafa bok ci nga xamne malumun min ad-din fi darura manam dañ ko xam ci diine naturellement c'est à dire que même yéfer sax tay yéfer yi fi mu toll bo len rombon ci benn ni nga laaj len ne len ndax sangara dagan na ci l'islam dañ la dedet manam kon tay ab julit bu taxaw nan no gaay dañuy wax rek mais sangara dara ne ku ci d'ailleurs di commencer indi argument koku dañ koy considérer comme yéfer à moins que mu nek ko xamantene dafa magi ci société bo xamantene ñom dañuy nan sangara te garawoluñ ko et que day doga découvrir l'islam ku mel nonu par exemple koku mais après dañ koy won argument yi nga xamantene moy wone ne sangara dafa haram koku bu boba koku lolu koku lañu djéggal lu mel nonu mais sinon kep ko xamantene dafa taxaw jëmmi taxaw wax ne sangara haramul gaay dañuy expliquer kessé dañuy tangal rek lolu jëmmi wax ko mom moy wone ni nit ki ci jëmmi bopum mu yéfer la voilà parce que dafa wéddi lo xamantene ci diini ñepp dañ ko xam naturellement et que jëmmi wax ko mom moy wone ni parce que alcorane daf ko wax ci anam gu leer ñepp xam ko mu nek mutawatir donc le fait que nga wéddi ko moy wone ni message bi nga xamantene mom la alcorane wax manam message bobu ci jëmmi bopum mo du deug lool manam lool lay wax di nek lool mom motax mu nek kefeur lool mom motax comme say par exemple lool nak du sangara kessé hein il faut ñu def attention amna ci mbiru diiné yo xamantene day mujj nek day nek maqlum min ad-din bi darura du demé nek julli julli farata la wala du farata ko amul wérante à moins que nit ki maggé ci société bo xamné par exemple bon doubluma ci catalogue kenn wala len hein c'est juste pour joxe exemple manam comme par exemple nit ki djuddo ci milieu bo xamné ñom ñep ay baye fall lañ ño xamantene xamuñu julli par exemple ñom duñu julli naka yek duñu julli milieu bobu la djuddo ci la magge té mo jappul ni rôle dara ngi ci koku par exemple duñu wax ni yéfer koku duñu wax ni yéfer automatiquement lutax parce que mom naka yek manam ni mu magge ak idéologie biñ duggal ci bop bi depuis ni nekké xalé ba ni mu magge moy que ni julli non ñom gaay yi ñom mën na lu baña julli et que yalla da len ko may ngir x ou x raison bu deug koku nonu kenn mënu ko japp yéfer automatiquement bala ñu koy japp yéfer il faut ñu jël ko won ko argument yi wané ni julli dafa war par contre la su ko wédé bo wana lañu att ci kawm ak kéfer ci kawm lañu fi att ak kéfer voilà légui mais sinon de manière générale julli mom ko wédé né manam dama joxe exemple bi ni pour gis manam wax lan motax manam sharia buy wax ne nangam lañ ko xam ci diiné ci ciossane aussi djublu wuñ ci de manière absolue djublu wuñ ci de manière absolue mais lim ci djublu moy lool de manière générale motax borom xam rahmatullah bi joxe comme même cadre djulli moy dal bamou dess xana ñi nga xamné ca kaw ga lañu dëkk lu tax ñuy joxe exemple ku dëkk ci kaw gi parce que kaw gi information yi du faral di yex ci ñom ci lu gaaw et que ñom gu fekk dañ lay dëkk bobu ñok ay yéfer lañ mu magge fa musul ñew ci tax yi xam nga lool ki nga xamni ki kaw ga la mësa dëkk musul ñew ci tax manam kaw ga nak buñ ko waxe djublu wuñ ci comme ñun li ñi wax na légui on a un village planétaire légui lool du kaw ha ñun li ñi wax kaw surtout ko wa Dakar yi nga xamne ñom même bo dekké ci sax ñu commencé la bolé ci kaw gi lolu du lolu de voilà non nané jam ñaajo na wax jam ñaajo wa nga xamé wa Dakar ñom non lañu xalaté non loolu taxul ñuy wax li tax ñuy wax kaw gi moy dëkk yi nga xamanté na dañoo sori torop dëkku taxi ba nga xamanté ni nit ki da fay mëna nek ay jamono yag magge fa té du xam dara ci dundu tax kokou non par exemple mo meun na fa nek effectivement boudé deuk bob ñom ay yéfer lañ mu ñew ci taxi ben jour après ñu daldi ki mu daldi gis l'islam ñu tuub loko kokou mo meun na ba nga xamni effectivement que ñu jull farata la ciossane kok mën nako baña xam ce qui veut dire que il faut ñu ne ko ah li par contre principe le fondamental d'ailleurs peut-être que légui mais buñ délo ay at ci ginnaw un européen mën na baña xam né julli par exemple farata la ci julli ci l'islam naturellement voilà ki nga xamantene mom xamna né dafa wedd né julli farata la ci ciossa kokku dañ koy bu fekkante ne won nañ ko preuve ba mu xamne li preuve da du julli kesse après ma ngi ñew ci kanam ka bom du julli kesse bu julli kesse manam julli ci la bok ah corps ci la bok parce que corps ñepp dañu xamne dafa war azaka ci la bok ajmaka ci la bok manam par exemple yi nga xamantene nan sangara par exemple ne dafa haram ci la bok ray nit ci la bok bokale ci la bok ñaalo ci la bok ak lan manam yoy nga xamantene ay riba ci la bok yoy nga xamantene ci diine kep ku ci juddou rek day dañu xamne yi mo dafa haram da ngay gis même xalé ndaw sax da ngay gis buñuy foyé par exemple même riba bi nga xamne mo ci gëna moy évident da ngay gis xalé ndaw sax buñuy wax dañ nan yi bo jëlé dara té momo ko wala yoy wala ki dañ nan la riba saku deret xéttu manam xéttu wax ñu hein manam bi gis né manam même ñoom sax naturellement xam nañ ni riba ci bopum dafa haram parce que ma'lum min ad-din bi darura la luñu xam ci diiné la naturellement voilà donc lolu ay mbir la yo xamantene lolu c'est très important que ñu koy xamné yi nga xamantene naturellement dañu wara xamné yi dafa haram comme sangara tamit ci la bok manam yi yeb kepp ku taxaw wéddi né non gaay dañuy tangal rek gaay dañuy wax rek mais dara ci nekkuti kokku day daal nekk yéggé su fekkenté né dafa maggé ci midi julli ci té mu xam dañ koy doublo su nangoo tuup ñu bayyi ko su nangoul tuup dañ koy condamné té condamné bi mom moy dañ koy ray parce que da murtat dafa murtat dafa delu ginnaw ci diine té lool moy li nga xamantene kuko def dañ lay tuublo soko nangoul ñu ray la voilà donc lolu déjà mu nek kon benen masala légui benen masala bi nga xamantene nak xeyna mo moñu gëna concerné ci suñu hadith bi mom moy sobe sangara manam parce que le fait que yentir sallallahu alayhi wasallam maintenant haramu sangara ñing koy jangé fi ci suñu hadith bi aussi hein motax ñu taxaw ci manam ci le fait que yentir sallallahu alayhi wasallam ñu laj ko sangara go ñu wara mëna soppi lan binegar mu ne dede lolou day woné né sangara ci dimbo bokkum dafa haram saga mum wala et ki ko koy laj mum xamone né dafa haram motax muy sakku diko soppi binegar légui masala bi nga xamantene mom mo suñu masala bi suñu masala bi nga xamne mom lañu nek mom lañu dugg ni inshallah moy han najasatu masala najasatu kham wala bok halil khamru najisun am la ndax sangar dafa sobeu wala sobeu wul haram bi ben affaire la bu ñu ñepp d'accord kenn ñu julit ñi wéranti wuñ lolu il faut mu leer li bu julit ñi di wuté moy lan ndax lan ndax sobe la wala de légi liñu wara laaj ci bir question bob moy dañuy gis né borom xofam rahmatullah alayhi dañu deppo liñu wax shubuh ijma dafa am liñu tuddé shubuh ijma manam du ijma ci jëm bopam moy ñu ñëpp d'accord l'unanimité le consensus communautaire lool moy ijma ñëpp ci d'accord kenn wëti wuti mais dafa am liñu tuddé shubuh ijma manam lo xamantene dafa jégué ijma ci masala bob moy né sangara sobel ñi nga xamantene ñom ñoo ci wuté ci fuqaha yi rahmatullah alayhim moy ci ñu jëk ñoom ci jëk ñu lañ bokk pa ci ñu mujju ñu mujju ni waxu ñu lool donc ce qui veut dire que à part peut-être il y a un siècle à peu près même pas la am ñeneen ñu commencé di wax ci né peut-être ash-shawkani rahmatullah ibn ash-shawkani tax ko yag tuti ni xawa considérer que ni sangara du sobe mais sinon ñeneen ñi ci def dañ jappone sangara sobe la te lolu chebu ijma amna ci manam moy lan moy ñan ñan la mom moy al-lays mom al-lays ibn sa'd rahmatullah alayh la al-lays ibn sa'd imam la bu mak rahmatullah ak dawud az-zahiri rahmatullah alayh amma rabi'a mo allah sa dagn ko askanal rabi'a mom tamit dagn ko askanal rabi'a ar-ra'i moy rabi'a ibn abi abdurrahman bi serigne imam malik rahmuhullah amma allah imam lays ibn sa'd rahmatullah alayhi koku serigne nono wa non c'est serigne serigne la mom ak ñom imam malik ñoo bokkon jamono wala ñom tamit medina la nekkon après mu nekkon misra rahmuhullah nek imam bu maga mag mutabahir manum geej woon ci xam xam ci hadith ci fiqh ba nga xamantene imam ash-shafi sah rahmuhullah da doon wax ne al-layth mom mo upp xam xam ke imam malik mom loolu la daan wax al-layth afqahu min malik walakin al-hazwa qad malik lolu manam ya manam imam shafi rahmalahu dani lays imam lays mo upp xam xam imam malik moko upp xam xam fiqh moko gëna xam fiqh sauf que nak yalla cieur bi manam malik lako dox rahmalahu te lolu mus nañ ko gis sha liko waral moy rigueur bi imam malik amone mom lays amul won rahmalahu ba nga xamantene talib lays yi dañu no noyal eko talib imam malik dañ doon dañ dof daf len tamulon rigueur am ben severity severity na mu amone bu waral talib mi meuno am len reg yu ñoon samontel ak reg di samonté ak yeen tégni ba tax tay suri talib imam malik rahmatullah alayhi da di tassaré bi nga xamantene mom moy xam xamum contrairement à talib imam laysi rahmatullah alayhi légi kon imam lays ibn sa'd rahmatullah alayhi mom tam daf doon wax né sangara du sobe ah askana la nañ ko tamit al-muzani imam al-muzani rahmatullah imam al-muzani rahmatullah da dan and ak imam ash-shafi talib ci talib mi la bok ci ñent talib yu makki la bok rahmatullah légi kon imam kon ni ñom lañu toxala ci ñom té manam askana le nañ leen wax di kanta ñaar ñi nga xamantene amana ñom ñaar mom seen wax mais daan nañ ko wax amana deugër na moy imam al-lays ak imam dawud az-zahiri rahmatullah alayhi mais sinon bo xolé même ñoñu après génération bobu yeral borom ko fi waxtu ñu lool ñom ñep dañu dopp ci ne sangara dafa lan sobe la té loolu kon dafa mujj nek sax ijma té loolu day tekkel lañu kon légui mar al ijma mësoon nañu gis até yi mas'ala usul yi nga xamne ñom ñoy wërwulo ci ijma amal nak bu ñu yexé ci mas'ala usul yi nga xamantene mom ñoo nek suñu hadith bi inshallah ñu fatali waat wala bok ñu am luñ ci fatali mo xam duñ koy teunk wala day am detaay yuñ ci gëna yok wala yu mel nonu inshallah buñ ci yexé daal dinañ ci waxat ci walu ijma inshallah han lolu ki wu mo man ko fa donc lolu ben mbir la borom xam xam yi rahmatullah alayhi depp nañ kon daanaka ci ne sangara sobel legui lan lañu tek telo miñu tek telo eh ci ne sangara sobel moy borom subhanahu wa ta'ala wax jimu wax ne ci ay biñ do tuddu sank ki nga xamne masalay sangara daanaka ci lay wur wurlo mom moy bimu na wax ne ya ayyuhal ladina amanu innama al-khamru wal maisir wa masabu al-azlam li jusum dem daal tuddé né lolou ritse manam daal wax né sangara kon sobe la rijis te rijis mom moy najis comme ni nga xamantene ñu ne lolu lan moy tekkel na rijis mom moy najis ndax yefere nafiqi borom bi subhanahu parce que nafiqi en fait ay yefere la borom bi subhanahu wa ta'ala daf ni fa innahum rijis ñom ay sobe la ba para daadi wax ne borom subhanahu wa ta'ala daadi wax ne ñoo ay sobe lañ te ngani waaw rijis lañ wax mais waxu ñu najis ngani waaw parce que dafa wax fenen ne innamal mushrikuuna najis ne sobe yi ne mbokale kat yalla yi mu yéféri ñoom ay sobe lañ lo gis ne kon najis ak rijis ay synonyme lañ te ci arab tamit rijis mom moy najis té dañuy gis né borom subhanahu wa ta'ala dafa melalé sobé gogou ci gëm ja maggi sobé d'ailleurs même rijis gogou la jëfëndiko fim nan qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yaqma'u illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin dan fa innahu rijis manam waxal né gisuma qul la ajidu fima gisuma tajuma ci li nga xamné mom lañu mo waxé ci luñu wara lek lo xamantene dañ ñuma li dafa haram sobe la dina ñew ci benn detaay bu am solo ci walu sangara bob ci buntu sobe bob ne kon dinañuma wax ne loolu sobe la dañ ma jangal ne ma loolu sobe la xana loolu nek med la nek no may taxaw aw daman masfuhan wala mu nek deret du wal aw lahma khinzir wala bob yap mbanku mu ne fa innahu rijs ndax yu sobe la deug rijis go kon le fait que mu nek sobe te yi yeb kenn wulti wul ci ne sobe lañ donc dañu xamné rijis ak najis mom sobe lañ mom moy sobe ay benn mana bi la kon da ngay gis ne borom subhanahu wa ta'ala le fait que d'ailleurs mu tuddé ko rijis da ngay gis ne mana wu rijis da fay bolé ñaari sobe te lolu lu am solo la d'ailleurs hikma bi nek ci borom subhanahu wa ta'ala di jëfëndiko te lolu lu ma da baye xel la Allah le fait que borom subhanahu wa ta'ala defandiko baatu rijis te du defandiko wul baatu najis ci sobe bobu da ngay gis ne dafa am yumu boole parce que leen yel borom subhanahu wa ta'ala mais non ba lolu dina ci ñew ci bu may wax argument wu ñeneen ni manam bu may wax argument wu ñeneen ni ak tontu bobu dina ñew ci rijis ak lutax manam valeur rijis ak sobe akibi da ngay gis kon borom subhanahu wa ta'ala daf ko melale ci anam gogou benen dalil bi nga xamantene mom moko gëna moy walale sangara sobe la ci alquran batay moy le fait que borom subhanahu wa ta'ala wax ne wa aljana bi nan wa saqahum rabbuhum sharaban tahura ne daf leen di nandal seen borom da len di nandal ñoom wa aljanna ak nanu go xamantene bu lab la jigi day ci lab am tahura am bu lab sax tay lab la am jigi day ci lab li firndel ne dafa jigi day ci lab kon mu ne lolu sangara ci particulièrement motax ñuy wax parce que bo xolé mew mi lexu mew ma mew fi dafa lab lan ndox fi tam dafa la ak la lem fi dafa la lan mo labul sangara mo labul kon le fait que borom subhanahu wa ta'ala di jeufandiko ba tahur sharabam tahura lol day tek ci lene dafa manam dafa jigi day tek la fofa te buñu xolé alquran fi mi insister ci ndox ci sangara melo yi nga xamantene mom lay wax man lolou lañu mafhumul mukhalafa la mafhumul mukhalafa la c'est à dire que le fait que mu wax ne ndox manam fofa nanu ba manam sangara fa fofa dafa la djigi day djig la moy wone ni kon bi nek fi ci aduna la au moment où fofu lay wax ne sangara gi nek fofu tout temps da ngay gis daf koy melale manam li gëna deugëral lool manam sangara gi nek aljana tout temps daf koy melale contraireu meloy sangara yi ñu xam fi comme bi mi wax nan la ghawlun fiha wala ma'naha yunzafun mana khaw moy luy mandelate manam lay tax muy mandelate alcool bobu amul لا قول فيها ولا هم عنها ينزفون ما دام فوفا سانغارا غا فا نيك دوي نيك نيت مانام دو تخ نيت كي دي نيك سي اوفوري بو خا نيك دافاي جيغي داي مان دي واخ واخ دوف اك ديف جيم دوف مانام دو دوتو مانا كونترولي تي بوبام لولو موم موي ها moy manaw bi tektale ne te kon comme amul fofa te xamna ni fi sangara gi ni fi day def lool donc fele bu waxe ne dafa manam ba pare wax tamit ne la yusaddauna anha wala hum han yunus ikun manam ne astada astada moy comme ku sadde moy comme kuñu sadde gis nga ki nan sangara fim toll bo gisse comportement yi mi am ak tay ko xamne bopum wiru ño xawanu ru gis nga bo taxawé fi d'ailleurs sans masque bi nga xamantene xamuñu sangara ñun non lañuy xamé wé ku mandi moy buñ ko gisé muy kayen kayen ak wax wax yo xamantene jubut ak lamine bi dam xet yoy non ci lañuy xamé ni ki bu moy tuda na sangara hein ndax sangara gi nek fi loolu lay ligé ci nit ha alu an kon lool la ba fay dan kon dulen tek tek ci ko fori bop wala bok dulen manam dulen bu woné dal ak xétu mandité manam bu nek ci ñok ko loolu tamit du gis né alquran bu tuddé bari loolu mom moy meloy sangara gi nga xamantene mom mo nek fi mo moy melay sangar nga xamne mo nek fi kon alquran dafa contraire manam melay sangar yami tuddu fele yeb moy contraire melay sangar yi nga xamantene mom lañu tuddu fi te bo xolé kon lool limi tekki moy ne bu borom bi ne fele dafa la jiggi de ci laf moy fi ni sangar bi nek dafa sobe gis nga kon istidlal bi parce que en fait dafa am lool lu am solo dafa am lu am solo fofu moy dalil ben affaire dalil moy lan argument preuve argument ben affaire la mais dafa am benen affaire bo xamantene ah ben dafa am ben affaire bo xamne moy dalil bi moy amna argument bi mais istidlal moy istidlal dafa ci am solo moy wajhud dilala mom lañ wax wajhud dilala moy sama argument bi mam lan moy wone ni argument la manam ci ban angle ban côté la nekké argument lolou benen affaire la bo xamantene benen affaire bu mata bayyi xel la lolou motax kep ko xamne day sakku xam xal war na yitté wo affaire bo manam di wone ban di yitté wo argument rek mais en quoi cela consiste un argument lolu hein voilà donc lolu kon ben parenthèse non d'ailleurs lolu usul la sama sala lolu affaire usul la mais dañ ko indi fi ci parce que tellement que ni a ki bi fini partie bi ni daf ko lacc manam voilà légui kon borom ko mom rahmatullah alayhi kon ñu manam dañ koy jingul manam fofu lañu tettaloé ci warané dafa manam sangara sobe la te bokku na ci li wala ni effectivement sangara sobe la manam ci bir même buñu xolé aye bi manam jéggi day gi mu jéggi day ci manam ni ci borom subhanahu wa ta'ala ni insister ci lim wax ne xola dal ni la la kum tuflé xona manam bo len baye sangara da nga defé dal ne kon ce qui veut dire que ni kuko bawul mom ak xexem du jappandi ha dal ne day indi nono ak bañante dali wax ne lan ma adawatul baghda fam way xuddu ko zikr la day tax ba do tuddu yalla ha wa an salat ak julli parce que ki mandi mom du xalat affaire julli ni ki nonu tuddu yalla do do bok ci programme par contre ya subhanahu rabbi ki nga xamantene dafa nan sangara day meuna yitt ci sen bi def concert subhanallah alors que alors que bu nané sangar du meuna zikkat ak di julli hein yalla yalla sa Allah dan fa hal antum muntahu est ce que dañ koy bay manam ne dañ ko wara bay donc yoy yep nak insistance bobu nga xamantene mom mo nek ci terre gi mu téré sangara da fay yeglé quand même que ni amna lu spécial lu ci nek et que lolu non buñ ko xolé dañu gis né sobé la parce que sobé mom mo am forme mir yoy non gaay ci dess nak boba bon ak surtout ñu muju ni parce que ñu muju ni amna ci ñenn ci ñom danaka budul won né ci buntu xam xam lañu doonu won wax bi nga xamne mom lañu ñoomi wax mais que quand même ci buntu xam xam lañu nek et que ci domaine xam xam lañu nek et que tout à fait ci xam xam dafa respectable quand même c'est pas parce que dañ djoum même lu djoum te di tar que ni kenn lu wax seen wax voilà moy né manam souvent bo xolé ni faral di soutenir avis bobu à part d'ailleurs subhanallah li yémi moy ibn taymiyya soutenirul avis bi lool moy yémi moy le ibn taymiyya soutenirul avis bobu mais que ku melni talibé bi ñi nga xamné en tout cas ñoy woté woti mom même buñ dul ay talib ñom deug deug moy ko demé ñom al albani ibn usaymin ibn baz mesela ñom fawzan ak ñoon dañ leen top dañ top wax gi nga xamantene mom moy ne sangara du sobe et que ku melna tamit imam ash-shawkani rahimahullah ak as-sanani tamit ñom dañu jappale imam as-sanani mom moy borom sulu salam manam bo xolé ñom ñep caractéristique biñu bok moy ben moy le fait que ñu am ben indépendance bu prononcé par rapport ak borom mom ji ñu jëk ñi surtout mazahibi bon lool mom lañu bok ñom dañu japp né mbir mën na nek lu haram té du nek sobé loolu masala la bo xamantene dinañ ci ñew insha Allah ci suñu ñaaralu hadith bob la wa ñaaralu hadith bi la dum nan moy hadithu sayyidina Anas bi ta'ala radhiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam da'a Abu Talha ta yawma khaybar wa fa nada anna Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam yarhiyanukum an luhumil khumuril ahli fa innaha rijs wala insha Allah bu yexé hadith bob dinañu leral masalaw ndax sobe obligatoirement day nek lu haram et que lu haram obligatoirement day nek sobe manam vice versa légui mais par contre fini ñom mais ñu brosser masala bobu ñom dañ japp ne que ni effectivement lu sobe c'est pas obligé manam que lu haram rek da fay nek lu sobe parce que quand même ñu ne buñu xolé ayé bi da nga gis ne dafa ni sangara ñu ne waaw xamru maysir moy jeu de hasard té ñu ni jeu de hasard mbolam bi ñu koy defé bo xolé kilit bi payé mi bi papier yépp haram tay fim tollu buñ doon té carte xaliss bobu non haram riba malgré que dafa haram xaliss bi manam ma jox la 5 euros nga dima fay fay ma 15 euros wala 10 euros lool même bu dé dafa haram kilit bi ci bopam bu sobé et cetera manam kon gis nga angle bi ñu gisé affaire té que kon sangara aussi comme yenen jamaadati la fay parce que lepp lo xamanteni jamaadat la ci fof la doon masala la bu am solo nagn ko baye xel ci jamaadat manam jamaadat yi moy jamaat moy lo xamanteni amul ruh moy les choses inanimées ñom ñoy jamaadat ñom duñu sobe yépp nak benn du ci sobe sangara kesse mom mo ci sobe mais ñom nenañ hey gaay même sangara bobu ngeen di wax du sobe même sangara bobu ngeen di wax du sobe ñu né parce que xolal ma xërem bi du sobe manam xërem bi même bu dé alcorane tuddé nako rijis ba pare da ci tek ni du fi rek la wax daf ni fajj tan bu ruj saminal awtan wajj tan bu qawla zu moy tendu bu len ba pat ba du fajj tan bu la wax sobe ya mom ay lan lañ yi nga xamantene ñom ay lan lañ ay xërum lañ te na ngeen moy tendu ko wax yo xamantene ay waxu chaahan la manam ay waxu yu neen la manam bi sédé lo xamantene amut même lolou buñ ko xolé dañuy gis né limu wax né lolou alcorane wax né sobé la dañuy gis né xërem bi ci bopam manam manam bant bi ñu yett diko jaamu koku ci jëmmé bopam du sobé and ak né liñu def sobé la kon sobé bop sobé manana la té buñ xolé li nga xamné buñ xolé da dalilul iqtiran manam lolou tamit dinañ ci ñew inshallah ci masala usul yi moy dalilul iqtiran yakarna musnu te ñew ci jotay yi nek ci buluul maram mais inshallah dinañ ci ñew kon ci dal iqtiran manam moy buñu lekkale ay mbir yoy day dafa am atté buñ ci wax manam moy ne buñu gisé dafa bolé sangara jeu de hasard jeu hein manam fofu yoy buñ xolé benn mbir dong mo fay sobé moy lan moy fiñuy santé liñuy rendi fofu xari ki ñu dudu nakki ak yoy manam ngir xéetu ndëpp yé xéetu xërem yé ak yoy té loolu li tax moy dérèt yi ci bopam moy sobé bi ci jëmmé bopam kon bu ñu sé loolu yëpp dañuy wone loolu du sobé manam nga gis kon seen avis bobu ba paré ñu né amma baat rigis bi ngeen di wax nak non rigis bi nak mom vraiment respecté ñu top seen wax mais nak loolu ñu mënuñu ko jappé sobé sobé maana rek lañ ko mëna jappé mënuñu ko jappé sobé jëm lutax ñu né parce que buñu xolé alcorane dafa jëfëndiko baax lu te tekkiwul sobe kon yuna wa kadhalika ja'alna rijsa 'ala alladhina la yu'minun moy mbugal la rijsi di top teggi fofu tekki fofu manam tek nañu mbugal ci kaw gaay nga xamantene ñom gëmuñu rijsi tamit day tekki sobe xol d'ailleurs ñu ne yefiri sax rijsi najis gi alcorane doon wax fofu ak nan fa innahum rijsun ay sobe lañ mais en réalité sobek manana la parce que yéfé bi yeen ak ñun ñëpp d'accord nañ ci né yaram bi bu sobek kon sobek manana la baxna voilà est-ce que ñu né xolal wazadhum rijsan ila rijsihim wa matum wa hum kafirun nafiqi la doon wax né dafa sobé ci kaw sobé manam lañ def ci seen xol yi moy sobé lan hein wala sobé mana parce que seen xol yi mo am ay fièvre yo xam tane yalla da len koy yok de telle sorte que buñuy dé dañu nek yéfel nafiqi donc comme kokku sobé bobu manam xéetu lan la ci djublu hein manam bakkar yi wala ak kéfer gi wala nifaq yi donc ñu né kon nak xam ngeen lan la ma daama ngir momu démé na nonu ciosan bi ci mbir yi al aslu fil ashiya'i at tahara manam lolu qaida la bu am solo moy né ciosan ci mbir moy dafa la comme que nak yeen do wolé ñu argument buy tax ñu mëne japp né dafa sobé yeen seen argument yeb yeen ko doon peser ci kaw né dafa haram kon sobé la wala wala dafa la ah wala baax lu sobe bobu ngeen di jëfëndiko alors que ñun fimu tollu dajji nañ ko wala légui bu ko défé wa gaay jumur dañuy sentir mais seen ijma bobu de fay commencé trône bi de yëngatu manam ek instant bi il faut ñu indi wat ay arguments supplémentaires yu gëna dëgeer yu gëna wër ñom boba dañuy daan wa légui ñun dañuy délu ci d'abord ci baax lu ci sobe ndax xam nga sobe bi ngeen di wax alcorane bu ne sobe la limi tekki manam li wone ni bu xolal bu jeufandiko sobe fek sobe ak manana lay wax après mu jeufandiko fenen sobe fek sobe ak jëm lay wax quand même munuñu wéddi ni alcorane day jeufandiko ba ruj ci fek sobe ak jëm la ci djublu au moment où fi muy waxé né sangara fi muy waxé né ki lan yap mbam ko mit non wa med ak ha yap bako ha ak dere yoy yep mune register kamex xamna ni register day tekki sobe djum kon lol munuñu ko wet kanta buñu xolé sangara le fait que mu bolé ko yele yep dañuy gis ne comme par exemple xërem yi ci jëmmé bopam wala jeu de hasard ak yoy même budul sobe jëm yoy dañ ko génné manam koku ci sobe jëm ji daf fi nek mais dalil mo wone manam preuve yu ñu xam mo wone ne yi duñu sobe jëm comme que duñu sobe jëm mom dañ ko ci génné kessé mom kessé mu nek exception mais duñ ko guenné manam loolu la tamit et que loolu nonu manam masala usuli la bo xamni dañ ci ñew inshallah moy ne su fekente ne dafa am ben mbir yu bari yu yalla haramal wala yuñ jox ben até et que mu am yeneen argument yu ñew guenné ci ben bobu rek lañ ci guenné mu nekk exception yi ci dess nekk ci tosan dess ci seul tosan et que kon xamnañ loolu dañuy japp ne kon sangara dafa dess ci tosanam et que ni mom ci bopam sauvé la voilà légi et que légui nak buñu gissé alcorane bi jëfëndiko ridse hein buñu gissé alcorane bi jëfëndiko ridse mu nekk sobe manam sobe lég lég mu jëfëndiko ci sobe manam sobe jëm et que fi mu jëfëndiko ku sobe daadu jëfëndiko ridse manam moy dañuy giss né dafa am ñaari façon moy dafa am sobe jëm ndax sangara dafa bolé ñaari dafa bolé déjà sobe jëm gi ba para bolé sobe manam bi dafa bolé sobe jëm bolé sobe manam bi kon ci kaw lolu ñu jëfëndiko baat ridis hein moy gëna approprié du tosan bi hein tosan lan moy mandi fegi li tax muy mandi nit di mandi lool la manam lay ne ci bir sangara ba tax nit ki mandi lool motax mu haram lool motax tamit mu nekk sobe té attention amna benen bir bo xamantene sobe la lolou bu ñëkke ci istihala dinañ ko gis tamit ci exemple yi mais ayu ñu tuddale ko moy té par exemple bay gis fuqaha maliki subhanallah dañ koy jox importance bu mak moy to par exemple ñam bu forox bu par exemple day nekk lan sobe tay fi mu tool bu ñu jëlul ben ci bu ñëne té koné ken laalu ko bu forox ba nga xam tane boko dafa yaq lol day daal mu jëne ko sobe non lol dagan na lol du sobe non parce que dagan un bokul voilà déjà fromage ak lait fermenté yoy déjà day gis né yakul du lo xamné day yak wala mu am lu yak wër ci wër gu yaramu nit wala mel non contrairement à ñam bu forox bu yapp ça n'a rien à voir non mieux de tamit non la met mieux de tamit sobel mais lolou dinañ ci ñew ci istihala inshallah ci walu istihala manam ni mbir mi bu soppé ko day da di changer atté mom tamit mais lolou pour la voilà lolou dinañ ci ñew ci xéetu atté yoyu ak ay exemple inshallah taala lan wa ci liste bobu la bok parce que med la han wa lolou dinañ ci ñew inshallah lolou wa yoyep dinañ ci ñew inshallah legi kon ñu delu ci wat ci pour argumentation bi legi lolou déjà day wone ni kon effectivement wax ji ñuy wax ne registre effectivement moy najis et que sobe la lolou daf koy day delu ci wat commencer amat quoi maintenant ñom gaay ci dess dañuy wax né non am nañ benen nak dalil bo xamné mom jël xamna do lent mëna tontu quoi non vraiment quoi parce que nak ñu né bal la ñu né mais c'est bi haram bi sangara haramé wa hadith sayyidina anas bi radiyallahu anhu wa yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone nañu tour sangara ci mbéd medina bi nañ ko tour ba mbéd medina yi ta ñu né waaw mais imaginer le légui medd marine yi dafa ta té liko tawal moy sangara ci gaay yoron hein gaay buñ doon dem ci jakkaji mais dan nañu parce que dañu ndox mi dafa dem sangal dafa dem ba doon am sax parti yu doon dugg ci jakkaji mais su doon sobel kon vraiment dinañ ko lan dinañ ci def ndox et que lolu doon won dagan kon dañ nan ñu ko touri ci alba mais pa ci medina yi parce que nit ñi dañ ci dox après day nek sobe ci ñoom kon lool day wone ni sangara du sobe benen bi ci res mom moy hadith sahibul muzadaim moy hadith bobu nga xamantene mom moy hadith borom ñaari dam saji nga xamantene hadith la bu nek ci sahihe ñaar sahihe waji dafa indi ñaari dam zat mais da koy day ne da koy indi yenenbi sallalahu alayhi wasallam comme adiya cadeau yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko xana xamoni da haram manam ci digeunte bi mbir mi haram na fi legui bimu neena haram mune nañ ko soti nañ ko tour mais avant fekk dafa am ben way bu deeyal ak mom ne ko deeyal ak mom ne ko jaay ko mune ko yentou sa xamne lan la la wax mune neena ma jaay ko mune ko inna allah alladhi harrama shurbaha harrama bay'aha yalla mi nga xamne mom mo haramal ko nan mo haramal ko jaay legui na après mune ko nañe mune ko dagoy tour mu tour ko legui gaay ne wala lolu dalil la bu mag ci ñun parce que le fait que yentou sa xamne nañ ko tour lolu day tekke lene day tekke lene sangara du sobe parce que su doon sobe suñ ko tour dinañ fa def ndox comme bi kaw kaw bi touré ndox ci jakka ji bi mu gaanu waye ci jakka ji hein hein voilà légui mu né ñaaral bi mom moy dam saaj gogo ñaar dam saaj yoyu defuñu ci ndox waxu yentou sallam waxul ne ko raxas ko nangam nang lool day wone ni kon du sobe parce que bu doon sobe la day wax ni nagn ko raxas comme nim ko daan faral di diglé boba tontu bi moy ñi ci def ni len bon écoutez comme li imam al-qurtubi rahmatullah alayhi wax ci tafsir manam ci buntu bobu mais non mais nagn def dak nagn attention faites attention parce que ndox momu buñ né medina dañ ci doon tour ndox ba ndox mi manam ba affaire yi di dugg ci jakka jek wala wala bok medina kene kan amul won fo jaar kero ndax manam ndax ba ki bi fess na num tuddu sangara si fess na medina lolou waxin la rek mais sen sangara munul beuri beuri way bo xamne day fessal mbedd yi dekk ba lolou man ta bare non lolou façon wax la tay buñ ne tay fim tollu buñ ne kero jakka juma ja fo san battu mu tak manam fo san battu mu tak xam ngeen battu mu tak manam moy parce que nit xadi fa manam amul espace mais sik nekku ci na amon na espace dañu bëgg wax rek ba dafa bari nit tout simplement manam tay fi mu tollu buma ne gis nga kérok ngentel diw la ngentel diw la kenn manki wul ñepp aduna bëpp nga foon lolu buñ ko waxe lolu façon waxin la manam teki wul ne aduna yep ñoo dajolo nek ci ngent la dedet limi teki rek moy sénégalais yi pa sax touba bi hein parce talu ñu lolu ñom mais sénégalais yi nek lion yep nga fa won té sax du sénégalais yep manam ñako ka xam rek lañuy wax manam kon dañuy gis ne expression bi rek da ko wax ngir exagérer ngir wax lu ngir woné ampleur mais tektelewul né hein voilà tektelewul né ñepp nga fa hein voilà xew xew bi woné ñu né xew xew diiw ba gamu diiw ga sénégal gëpp fa ñu manam tektelewul né sénégal gëpp nga fa woon manam yoyu façon la expression la yo xamantene kon dañ koy wax ngir lola mais sinon la réalité ané que medina mbedd yi dañu ngand mbedd yi ngand ngand lañu war yo xamantene fim toll yanuul manam tay fim toll ñu ne la mais mi ngi melni fim toll koñ bi même fi teli yi fi am teli sax yanuul manam ñu la la buñ fi sorté sangara ci avéru fi nit ñi amul woon fi jaar rawati na souf sox fo ak souf ci nim beure nim désertiqué zone bobu ha voilà voilà lolou yanuul manam munu do am ci sangara lo xamantene day manam bu doon keur gu nek rek dafa bari lu yoron ci sangara rek buñ ko soté ci dekk bi du ta manam kon lolu exclu lolu faaso waxe rek la donc lolu doon nek ci lay pour yeen et puis fofu lañ ko meuna tout parce que souf ci après day dakoy wan rek mu jël legui mu dess kon benen affaire moy borom damsaaji lolou tamit du lay pour yeen parce que lutax ñu ne parce que zikru adamu zikri laysa zikru adam lolou am solo la tamit ci usul manam ñak tuddu ngir tektelewul lan tuddu contraire tuddu ñak tuddu dara tektelewul ne tudduma contraire bi tay buma president ne dama bëgg nga set ci ma tay maniko dama am fuma warona jaar lolou tektelewul ni lolou rek moy sama ngant ah voilà tektelewul ni lolou rek moy sama ngant leg leg lolou ben affaire la benen bi moy aw mu jot bi ci dess yenen yu bari tuddu nako amna sax yenen parfois yo xamne duma ko bëgg tuddu dama fay baña goudé par exemple tax tuduma lolou mani da am fuma woron jaar mais bobu rek la tuddu manam et cetera lolou manam ay xéti han manam lolou ay xéti ki la lolou am solo la manam légui tay par exemple le fait que ñu ñak tuddu lolou ñu ne té bokku na ci li wané ni lolou mbir momu dafa dëgër ci ñun ci hadith bobu bokku na ci li wané ni mbir momu dafa dëgër ci hadith bobu moy tay imaginer suma yoron ay damsaaj yoy ñu né lañ imaginer ni soow lañ ci defoon soow wala jus mais suma ko bëggé jëfëndiko wat est ce que duma ko raxas dama koy raxas donc le fait que tuddu ñu raxas gi tektélé wul ni amul parce que dafa évident ci kaw yoy yépp kon dalil bi nga xamantene surtout dalil bi gaay mënul dañ moy dalilu ndox mi nga xamne mom lañ wax bu sangara bu aljana bi ak bok compare ak bi fi bobu gaay mënuñu ko daj bo mënuñu ko daj ak le fait que mbir mi gennul ci ciosanam manam amul preuve buy wané né genn na ci ciosanam ci ciosanam sobe bi ko alcorane wax lolu amul tam preuve bu ko mëna daj amuñu ko boko bolé ak le fait que borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom ñep deppo won ci walu gogou lolu tamit benen argument de taille la buy wone ne tamit dafa haram dafa sobe wu kon ci kaw lolu dañu xamne sangara dafa dali non dafa sobe wu et que lolu mom moy li nga xamantene mom mo yanu mana ci mbir mom te mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim deugural ci ñu jikki ak ci ñu mujju ñu bam dess ay benn même hatta ci bir wahabidi nga xamantene sax ñom ñoo am tendance pour deugural ko même ci seen bir da ngay gis ñoo xamantene ñom dañuy wax le non écoutez buñu déconné quoi parce que quand même ñu jëk ñi mënuñu saxal ay siècle ben bir mo xamantene ñun dañuy ñew après remettre ko en cause moy né sangara sobe la voilà wallahu ta'ala a'lam wallahu sa laaj bi la nat la won sax en tontine nat tontine mom kon am ngeen tontu bi non kon am ngeen tontu bi ah non tontine da ngay gis ne dafa haram lutax mu haram moy dafa am ay mbir yu mu boole bu ñëkk bi mom moy garar mo ci nek manam bayo garar la ben xétu contrat de vente la entre guillemets bo xamantene wor daf ci né ak lo xamantene insécurité et incertitude hein ça veut dire l'insécurité financière bi ci né motax xam nga tay fim tolu suma jëlé suñ né ñun ñëpp lañuy tek tay xolal mënu jël cadre figure bi ñun 10 personnes lañ ñu né dañuy tek kenn ku ci nek 50 euros par mois pendant 10 mois ñun ñëpp di lañ téggi kon ce qui veut dire que né après man damay daal am 500 ñaaka 10 500 euros wa kon 500 euros lay gagné légui man li nga xamantene mo motax affaire bi du dagan ci man moy du dagan moy ben le fait que muy indi mu meune mu am incertitude financière c'est à dire que le fait que man meuri obligé yow même bu fekkene dem nga ba manato xam nga fu tollu meuna meun cotiser 2 mois mais 3e mois bi duma ko meuna cotiser buma ma banatul numay def damay la damay baye mais buma baye man damay damay no wa damay ton no ba pare ke daf may mere dañ indi nono suñu digënté parce que mom dafa am projet dafa am lu mbëggono jënd iPhone bi mbëggono jënd té 500 euros lay jatt mu jappone le su cotiser 5 10 bu ko téggé da na ko am lool la ñaarël incertitude bi mom moy man buma téggé ba paré mën na téggi ba paré daali ba non buma téggé ba paré bay day ñak ha non suma téggé ah bay gay ñak waaw gay da yow do ñak da téggé voilà voilà légi lima mën moy rembourser gaay yi ci dess après manam gaay yi nga xamantene téggéguñ manam téggéguñ ñoñu lay rembourser mais le fait que déjà man ma wor manam lool déjà et que ñu war ma contraindre ci situation bobu surtout lool tamit benen problème la manam té bo xolé mbolam natti suñu len sétlo lu ci upp finalement day muju ci cadre figure yi may wax ni dina am tout temps ay way même bu ñu ñu wax waji woorna bon maintenant nak mu am benen situation muy tax mu haram mom moy le fait que man malay lebal pour nga lebal ma wala pour nga lebal kenen lool moy lool moy bay atun fi bay ani lool tamit dafa haram manam jaay ci kaw ñaari manam jaay contrat bo xamantene contrat de de contrat financier bo xamantene dafa teggu ci ñaari contrat financier manam dafa composer moy lan moy man mané dama lay lebal yow xam nga lool la manam buma né la dama lay lebal pour nga lebal diw manam moy ñun ñepp dañoo tek pour après yow tamit manam kenn ku ñene lebal sa morom après man mi ñëk téggi man ñepp dañ ma lebal mais le fait que man ñu lebal ma lool day wara tax ba ki wara téggi après ñeneen ni manam kenen lebal leen manam c'est à dire que contrat bi dafa jaxaso ci ay contrat yo xamantene dañu dugënte bobu tamit benen affaire la benen problème bi nga xamantene mom mo nek ci njaayante njaayen jëdd bobu manam ci contrat bobu nonu mom moy leg leg day am benen affaire té loolu ci bir ñi tontine xam nañ limay wax moy peut-être que goor ñi mën nañ ko baña xam moy keñ day am ko xamantene moy téyé nat bi ki nga xamni mom mokoy téyé koku non dafa am parfois lo xamantene mom lañ koy jox c'est-à-dire que mom ci jëmi bopam day bok ci tontine bi mais mon loxo de plus quoi dedet dañ koy day am luñ koy jox manam moy pour mu téyé mbir mi non day am mooy par fek na 10 personnes là 11e loxo mon 11e bok mo koy jox mom mo koy mom mais du cotiser waaw mais lolu amna mais amna lenen non amna benen cas de figure bo xamantene day am tamit moy ne ki tey affaire bi tout temps ku teggi dafa am lumu koy jox si parce non amna lolu amna parce que hein non si amna pa ci yep waaw du ci yep lolu lay wax du ci yep mais amna voilà hein voilà té lolu tamit bobu tamit dafa haram voilà donc en tout cas bok xolé le simple fait que ni koy tay khalis bi dégg ben risque mom ba khalis mëna réel voilà kon peut-être des guerres ñu dox ko ben rémunération pour le risque que la personne prend à garder non mais pourquoi mais lool mënon nañ ko waxtané né diw sangam comme yow dañ lay jox diñ koy dénk dañ lay dénk khalis bi nga téyel ñu suñu xaaliss après mais problème bi moy yow mënu man awma droitou téyel lo la dara ba paré dila fay ci le simple fait que dang ma téyel sama xaaliss mbir bi tamit du lool la le simple fait que da nga téyel xaaliss bi kessé seigne bi day ni benen affaire parce que mais yow banque voilà non du ben xam nga lutax du ben parce que ñom dañuy liguey ci finance c'est-à-dire que li wouté le banque voilà voilà du ben et que ñom dañ lay jox aussi chèque dila jox carte bleue ba paré fiñu nek dafa am lu koy manam dañuy fay courant di fay ki def local et cetera donc du ben charge du ben voilà dañu fay service yi ñu xamné mo may récupérer nat yi wa ko nek mu dem fa passe auto mu jël taw wa lool mën nañ ko renumérer affaire bobu lool mën nañ ko renumérer surtout affaire bobu non le fait fu nek mu dem fa de ki ak yoy lool mën nañ ko renumérer lool mais liñ ko mënul liñ mënul mom moy diko faylo ay da manam keni ki yene mom tout temps mom moko jox da ci comprendre manam man mi teggi man mako jox deul manam affaire bi ñun ñep ñoko wara jox mais pas ki teggi voilà lolu warul bok ci voilà ci clause ci ki bi ci li ñuy teggi donc lolu mom moy différence bi bay fa ak toko bu nek ci bu dekk ci wa information bi am wa non man waxuma baye fall bi kenn duko condamné waxuma lol de dama ni baye fall bi nga xamantene dafa mag ci judo ci keur ga xamul lulul lol té lol du kaw baye fall yépp attention du doyer sax du kaw plus par baye fall dama ko jox exemple non rek voilà mom dafa mag ci milieu bo xamantene dañ ko gëmlo ne ko comme ça ki éducation bi ñu jox sen doon parce que légi dañ koy won argument yi wané ni mom dafa wara julli parce que koku dañ koy laaj est-ce que d'accord nga ni julli farata la parce que ñaar nit ñaar yow sa question déjà dafa melné fi mu su gëna situé wu du d'accord ak ñaka d'accord moy jëmmi jëf julli ji ci bopam voilà yow loolu la sa que légui en fait dafa am ñaar cas de figure ci question bobu masala bobu masala bu ñëkk bi mom moy ki julli parce que dafa am différence entre man ñu ne ma ndax julli farata la mané waw julli man xamna ni farata la ñu ne nak ak le fait que duma julli lool ñaari mbir yu wuté la parce que bu fekkante ne man dama d'accord que ni julli farata la mais sauf que duma julli batay kenn duma considérer yéfer lool moy li ëpp ci borom xam xam rahmatullah alayhi lool mom moy mazhabu ma hanafiye ak malikiye ak shafiye rahmatullah alayhi ñom luñ d'accord moy ne ki nga xamantene d'accord na ni julli mom farata la sauf que daf dul julli koku du yefe mais dañ koy tek sentence amna punition buñ koy tek bu fekente ne punition bi nak ni la demé moy dañ nan ko julli bu bañé dañ koy yobbu ci karam juge bi déjà julli mu bañ ñu ko bax ñu tej ko parce que koku souvent yeen argument lay joxe sama emploi du temps mayumako je suis trop occupé ak voilà man duma def yefu nafiq yoyu quoi ba gaay di gistel rek ha di julli man yoyu dedet xet yoyu lay jox legui su fekente ne kon ko premier cas de figure bi kokko la kokko nak buñ ko waxe ne ko non mais julli mune non damay bayyi ba paré je ne suis pas encore prêt dans ma tête voilà pour meuna voilà koku buñ ko yobé tribunal dina julli mais su abs obstiné no du julli dañ nan ko d'accord do julli OK mais est-ce que xam nga gravité yu ñaka julli mune waaw xamna ko dañ koy may par exemple ne ko comme takusan jotna dañ lay bayyi dañ lay wax nga julli bu bañé non man xam nga man dam buguma c'est que suma julle day mel dañ ma forcer té bon man buguma yoyu quoi man dama libre xet yoyu ñu ne ko d'accord dañ ko légui ñu ne ko nañ koy bayyi légui ba nga xamantene ñu ne fi ak timis man fi ak jant bi sox mën na fi julli lu tolok ben rakka kissé ñu wax ko mu julli bu bañé bu heure bobu wessu nga xamantene legui manatu fe julli lu mat ben rakka dañ koy ray mais buñ ko rayé duñ ko ray en tant que yéfer dañ koy ray en tant que julit sauf que sentence bi moy ray legui buñ ko baye duñ ko wax dara hein non kok dañ ko wax dara hein buñ ko satané duñ ko wax dara duñ ko wax lan duñ ko wax dara baye non lool la ñew xara ma ngi ñew ma ngi ñew déjà ci kess ci kibi lool mom moy waxu jumhur légi ama hanafiyé yi rahmatoullahi alayhim ñom dañ ni dédé ñun même boudé ñun ak yeen d'accord nañ ci lolu sauf que kenn duko ray ñun li ñuy def moy dañ koy tejj diko pini de temps en temps diko door ak yu démé non diko tek ay sentence diko tek ci wono mais dañ koy tejj kenn duko génné perpétuité ba kérok soit mu dé wala mu nango julli lolu tamit danaka mok ray wi ben la xawnañu wuté touti mais ben la légi mé xanam xambali rahmatoullahi alayhi dañ koy buñ ko joxé argument yi manam tek ko comme ni maliki ak shafi wax rahmatoullahi alayhi té nangul julli batay buñ ko rayé attention koku dañ ko ray en tant que yéfer parce que ku julli dem quand même mu ñak manam mu jaral ko bañu ray ko mu bañu julli koku xamuñu ngëm yalla gu ne ci mom manam bo xolé voilà koku tamit ñom cadre figure bobu dañ koy jappé yéfer do so setlo kon ñom ñet ni bo len setlo ñen ñi dañ ko jappé que ni du yéfer ké jappé ko yéfer mais ci cadre figure bi maintenant cadre figure bi ngay waxé moy ban boudé dañ ko sétat moy lan manam moy lan parents yi waxuñu ko julël waxuñu ko julli yo kenen waxuko ko itam mais koku ñaari cadre figure rek fi né cadre figure bu ñëk bi mom moy le fait que mom mu xamné dafa wara julli té julli wul day am bakka ñaarelu cadre figure mom moy mom d'accordul ni julli dafa war pas parce que argument yi niwul mais parce que mom ci jëmmé bopam moko nangul que ni julli dafa war attention débal différence entre reconnaître ñak reconnaître ni julli dafa war ak ñak julli il faut faire différence bobu entre ñaar yoy budi reconnaître né julli dafa war mais daf ko julli wul koku dañuy jappé comme étant reconnaître né julli dafa war mais julli wul koku dañ koy d'accord comme dañ koy reconnaître comme étant ko am bakkar kessé mais attention ki nga xamantene moy contraire mom day julli mais d'accordul né julli dafa war koku yéfer la mom ga day julli mom mais japp na ni c'est pas obligatoire c'est juste mom spirituellement c'est bien et que voilà voilà voilà voilà voilà que mo gën ñak ko def que manam dafa bax kessé motax muy julli mais julli mom bulun nako baña def sax mu baña ko def fekk mais bon comme ni ngui koy def c'est bien et que day sentir le bien quand muy julli et que jaamu yalla am day gëna bax ak yoy koku yéfer la tamit malgré les apparences yéfer la mais sous condition que ñu jox ko argument yi waré ni farata la c'est-à-dire que lolu c'est important sous condition que ñu am argument yi waré ni li farata la ay da sous amul argument yi c'est-à-dire que manam waruñu manam sharia bu tek ben sentence ben nit ben acte ben nit bo xamantene argument yexi wul ci mom sharia bu tek nit lu mel non bu tek argument lolu important la bu tek sentence ti nit lo xamantene argument yi yexi wul ci mom voilà voilà koku mais sauf que amna différence entre ki nga xamantene argument bi yexi na ci mom ak ki nga xamantene xamone na ni li baxul ak ki nga xamantene xamul won ne sentence bi li la manam ki nga xamantene xamul won ni ku julli wul dañ lay ray par exemple buñu demé ba war ko ray du ne way bay leen ma julli legi manam lool du téré ñu tek koko comme par exemple ki nga xamantene tay dafa sacc ñu wara dag loxom mom bu fekkene ne xamul won ni sacc baxul haram na dafa haram koku graw mom bu jappé ni sacc haram hein koku ken duko tek sentence voilà wala gi nga xamantene da fay ndialo par exemple mom japp won ni ndialo graw na quoi mom daf ko jappone comme lu normal rek parce que société bi mu nek ñepp loolu lañuy def koku kenn du ko tek sentence xamul won ni baxul mais wouté na ki nga xamantene xamna ni baxul mais xamul won ni li moy tek ci kaw ku ko def ñom ñaar wouté nañ de ki nga xamantene par exemple xamul won ni satch ku satch dañuy dag loxo mais xamone na ni satch dafa haram koku bu démé ba satch bañ wara dag loxo manam ni sem fit ke xamul won ni ndekete li mom moko ci fek bu nek lay pour ñu bañ ko def manam en d'autres termes bu doon dañuy wax sharia fini ci walu par exemple code ki bi au code de la route par exemple ki nga xamantene xamul ne bourle feu non que bourle feu dafa baxul koku bu deme bourle feu bi tax après mu dogo rendre compte ni ñu do ko wax ne ko baxul non bu de sharia kenn du ko dimbir 4 points bu de sharia kenn du ko dimbir 4 points mais ki nga xamantene nak xamul na ni ga bourle feu mu baxul mais xamul won ne 4 points moko ci tek koku du téré ñu dindil ko 4 points voilà manam baax nul ne censé ignorer la loi bobu dafa am ay limites ci sharia du tout temps lañ koy wax ci lu nekk ci sharia dinañ koy di wax ci yenn affaire mais duñ ko wax de manière globale voilà waaw mais yoy condition la mais condition yoy mom ci lool la doon wax rek keni c'est-à-dire que loi bi da fi nek mais mu am condition yi ñi appliquer loi bi mais la loi quand même reste la loi et que les conditions d'application de la loi aussi nek benen affaire dal hein mais nonou day xewé dans le cadre d'une juridiction islamique donc bu jog rek deux tay par exemple voilà c'est à dire qu'il faut que ñu fay atté diiné faut que ñu fay atté l'islam par exemple tay ñun ni man awma droit rom ben way satch na avec toutes les conditions remplies ma rombu ko mu satch genn carrefour ne dafa satch on yoy rek man bismillah indi le pack ma dedet ñe lu demé nonu hein non c'est que dafa am ben loi bu fondamental ci sharia moy né injustice kenn du ko réparer d'ailleurs kenn du ko sax réparer sa bop ki koy réparer moy hein yone mo koy réparer c'est pas parce que ben way dafa ñew par exemple jamm wala mu tour sama beut par exemple que ni man damay am droit diko fekk tour beutum dañuy dem yone atté ni momit dañu wara tour beutum mais pas man may jog rek tour sama beut c'est pas parce que dañu ray sama ben mbok que ni damay jog rek dem ray di dedet dañuy dem ci yone atté ni dañu wara ray waji wala dañ koy bal voilà manam bir mi non la démé loi c'est-à-dire que kenn du teureul say bop say loi yone mo koy teureul lolou lu am solo la tamit benen fondement bu am solo la voilà c'est pas parce que dama gis ay nit ñuy dëkk rek mané gaay déjà ah ñi lay bo moytul ñi ngi ndialo rek keni damay wut sama yar bo gaay ayta nañ leen dem tay keur ñom diw la ñëpp ñu commencé door gaay ka sans ko woné parce que voilà dédet avé du lévé nonu wa Est-ce que vous avez dit que moy ne ñi nga xamantene ñom ñoy mbokki kiñu ray le kiñu ray mbokam ñom ñu taxaw ne xamnañu ne ga acte bi moy dañ koy ray mais ñun bal nañ ko té d'ailleurs attention bu amé kenn ku ne bal nañ ko dootu ñu rayati waaj bu amé kenn dongu ci ñi wara doon waaj ne bal nañ ko kenn doon rayati waaj ba mu dess ci ben cas de figure moy ko xamantene manam mom dafa juk ray mais siyama xam nga amna ray yo xamantene même bu dess ya ko tay du lo xamantene nit ki day juk pour dem di ray ji voilà préméditation manam dafa am lol tamit benen tekantal la moy tay bu fekkantene waji dafa juk pour ray ji ñaar cas de figure yi nga xamne moko tay ñaar cas de figure la bu ñëk bi mom moy dañ doon xex uyu deme nonou par exemple ñuy xex waji mer man par coup de colère mu door ko mu dé kok moko tay ray kok mo homicide ak assassinat men donte di won intention non intention la kay homicide volontaire parce que du coup suivre mais ci coup mer la wala tay par exemple ñeu fekk waji xeyna bon manam fiira nga dal ko mu mer par exemple ray manam gis waji ak xeyna soxnam ñu and rek xamul ñu andé mu door bal waji décharger ci mom bourse mi ngir fiira nga ak yu déme nonu lolu xam nga moko ray lolu moko ray mais kokou tamit ñoñu yépp ay ray day tek ci sen kaw mais par contre bu ñébalé mën nañ ko bal wa ci ñëlé buñ balé né non par contre après mu jé inshallah après buma paré légui kokou dinañ ko bal mais liñ dul balé li nga xamantene par contre lolu acte sharia ci jëmmé bopam moko dul balé moy nit ki nga xamantene dafa juk prémédité pour dem di ray ji c'est-à-dire que du concours de circonstances motax bu ray mel gré que moko tay motax tay bi ñaari façon la ki juk dem ray ji koku nak mom dañ koy ray manam amul koku mbokk yi mënu ñu ba duñu balé ñaar ka do figure yoy la wa mais lool moy tay lool lañuy wax sank lool xam nga xétu tay la parce que crime passionnel tay la c'est que dafa am ay circonstances atténuantes mais tay la ki nga xamantene mom la lay wax ci andax mom la lay wax sank ne la waji dafa fekk benn way modou dafa fekk dafa rombu astu bi soxnam mu and ak ibra mom xamul ñom ñaar lan lañ andé mu dadi am manam passion bi affaire yi upp ko doole mu dadi jël 12 coup décharger ko ci waji wala bok mu xam liñ andé wala bok mu xam liñ andé te yag nako soupçonné mais mu gis ko rek munuko mu décharger waji 12 coup ci waji ha wala mu jom ko paka wala mu def ko en tout cas mu def ko luy waral ak dé parce que amna benen affaire tam bo xamantene kenn du ci teureul nit at kenn du ci at teureul ray nit comme par exemple ki nga xamantene lo xamantene ci aada lutax nit dé ci aada lutax nit dé comme par exemple mu jël bant door ko waji dé wala mu jël ceinture door ko waji dé ak yu mel nonu lolu duñu ko atté ci kaw manam duñ ko ray pour lolu parce que lan motax parce que ci adam am de manière générale ceinture du ray nit wa voilà wala nga bëmm ko mu daanu dé par exemple lolu parce que de manière générale bu mëx bobu rek du waral dé voilà lolu voilà lo yoyu tamit ay voilà ha non mais ko kay wal dem ko kay akora mais dal ci lolu en tout cas ci boudé ci cadre figure yoyu nit ni ay mbokam am nañu droit balé mais fiñ amul droit balé moy tonal cadre figure wa ki prémédité voilà ko kay amul droit balé ki nga xamantene mom dafa jugon rien que pour dem di ray di manam exécution liñ wax exécution voilà dañ ko fay wala dafa wara ki pour mu dem ray waji même ba ci justice normal hein voilà voilà de je vais écrire voilà la question bo ci les crédit nga jënd kër té xamone baaxul légui bo démé ba rendre compte né léki crédit bi baaxul da ngay jaay kër bi am do par rapport ci xaliss ah waaw lolou masala la bu am solo manam laaj bi mom moy su fekkante ne nit ki dafa am crédit dafa jël crédit té xamna né crédit bi mom manam moy crédit am intérêt xamna né baaxul légui mu dem ba ci biir xamna ni kat ndekete crédit kat mom da ni ni dafa am ay intérêt et que bu amé intérêt lolou riba la tuddu et que dafa haram légui mu dem ba rendre ci compte légui nan lay def ndax day jaay kër gi wala du ko def bu boba laaj lolou dañ nan la du ko def lutax tout simplement moy li alquran wax nan falakum ru'us amwalikum fa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tazlimuna wala tuzlamuna manam bu fekente ne da ngeen da ngeena tuup ni na nga xamne am ngeen sel capital manam yeenako mom duñ len ton do len ton c'est à dire que xawma won ne li baxul legui man nimay def rek mom muy tuup ci mbir mom mais pas que dañuy neew ne sama keur yi la bout de force dama koy jaj lolou ken duñ ko wax bon bokku na ci tamit benen affaire bi mom moy ne dis la sharia day jéggelé lo xamantene xam nit ki xamuko won mais amna différence entre mënon nako xam ak xawmako parce que amna différence entre mënon nako xam mais man ma def ben effort pour xam ko ak tamit mais manam dama ko xamul du tout parce que question bi ñu won sama xel parce que dama nekkon ci ignorance période bobu bu boba tamit dañ ko koy bal ci cas de figure bu mujju bi wallahu ta'ala wa pour 25 ans wa yo nga dawal 2 ans xamne baaxul wa mais da ngay continuer fay 25 ans mu jeex non lolu ñaari cas de figure mo ci mën nek cas de figure bu ñëk bi mom moy mën nako fay c'est à dire que buma dawalé 2 ans manam fi 25 ans la légui ma dawal 2 ans après ma doga xamne nek li dafa haram ñaari cas de figure mo mën nek cas de figure bu ñëk bi mom moy mané ah légui kon kat nako bradé manam légui kër gi dama koy jaay suma ko jaayé mu jël li nga xamantene mom la kër gi di jar légui ma rembourser ki nga xamantene mom moy créancier bi après man ma jënd benen kër mu ma jënd benen kër lool mom moy li nga xamantene mom mo rañé ci buntu bob quand ta continue di nek ci baye bo xamantene yow dafa leer ne dafa haram alors que sharia prendre ko compte surtout ko lool la lu sharia prendre compte mom ak neen ñoyam deng al ma'dum sharan kal ma'dum hisan li nga xamantene dafa neya lol qaida usuliyya la bu am solo li nga xamne dafa neya ci sharia mom ak li neya ci li ñoyam ci luñu lamb moyam manam comme si neeku fi imaginer que neeku fi ci kaw lolou manam bu boba cas de figure bobu non lol mom mo ci possible moy ne dafa haram nga continuer ak lolu obligé dang koy jaay parce que en fait le fait que nga continuer lolu da ngay participer déjà ci finance bo xamanteni dafa haram wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.